Les annales akashiques, la bibliothèque universelle de l'âme, suite. Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, les annales akashiques représentent un concept fascinant pour les chercheurs spirituels et ceux qui s'interrogent sur le mystère de la vie, du temps et de l'âme. Parfois appelées bibliothèques akashiques, elles sont décrites comme une source infinie d'informations contenant les expériences passées, présentes et potentielles de chaque âme à travers l'histoire de l'univers. Cet article vous guidera dans une exploration détaillée de différentes méthodes et techniques afin d'accéder aux annales akashiques. Se connecter aux annales akashiques, techniques et pratiques avancées, explorer les profondeurs de votre être et de l'univers grâce à l'accès aux annales akashiques. Dans la continuité de notre exploration des annales akashiques, nous allons maintenant plonger dans des techniques et des pratiques concrètes pour établir une connexion significative. Comprendre que les annales akashiques sont un champ d'énergie contenant l'enregistrement de chaque pensée, émotion, action et expérience de chaque être vivant est essentiel. Ce n'est pas un simple passé, mais une réalité vibratoire accessible. Préparation essentielle à la connexion. Avant de tenter de vous connecter, une préparation minutieuse est cruciale. Cela inclut créer un espace sacré. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Purifiez l'espace avec de la sauge, de l'encens ou simplement en visualisant une lumière blanche purificatrice. Centrage et ancrage, pratiquez des exercices de respiration profonde ou de méditation pour vous ancrer dans le présent. Visualisez des racines qui vous relient à la terre. Définir une intention claire. Formulez clairement votre intention. Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre ou à guérir? Soyez précis. Protection énergétique. Visualisez une bulle de lumière protectrice autour de vous pour vous protéger des énergies indésirables. Technique de connexion aux annales akashiques. 1. La méditation guidée. La méditation guidée est une excellente façon de commencer. De nombreux enregistrements sont disponibles en ligne, conçus spécifiquement pour la connexion aux annales akashiques. 2. La technique de la clé akashi. Cette technique implique la visualisation d'une clé spécifique qui ouvre l'accès aux annales. Visualisez une clé dorée, brillante, et imaginez-la tournant dans une serrure invisible. Ressentez l'énergie de l'ouverture. 3. L'hypnose akashique. L'hypnose akashique, pratiquée par un thérapeute qualifié, peut vous aider à accéder aux annales de manière plus profonde et à explorer des vies antérieures et des schémas karmiques. La technique du voyage chamanique. Utilisée depuis des siècles par les cultures indigènes, le voyage chamanique peut être adapté pour accéder aux annales akashiques. Avec l'aide d'un tambour ou d'autres instruments, entrez dans un état de conscience modifié pour voyager dans les royaumes spirituels et obtenir des informations. L'écriture automatique. Asseyez-vous confortablement et sans réfléchir, laissez votre main écrire librement. Les annales akashiques peuvent communiquer à travers votre subconscient. Pratique pour approfondir la connexion. Tenir un journal akashique, notez vos impressions, vos rêves, vos intuitions et les informations que vous recevez après chaque connexion. Pratiquez la gratitude. Exprimez votre gratitude pour les informations et les guérisons que vous recevez. Intégrez les enseignements. Appliquez les enseignements que vous recevez dans votre vie quotidienne. Être patient et persévérant. La connexion aux annales akashiques peut prendre du temps et de la pratique. Ne vous découragez pas. Méditez régulièrement. Une pratique méditative régulière renforce votre connexion spirituelle et facilite l'accès aux annales. Conseils importants. Voici quelques conseils pour une connexion réussie. Soyez respectueux. Abordez les annales akashiques avec respect et humilité. Posez des questions ouvertes. Évitez les questions fermées qui ne permettent qu'une réponse par oui ou non. Faites confiance à votre intuition. Les informations peuvent se présenter sous différentes formes, images, sensations, pensées, etc. Faites confiance à ce que vous ressentez. Prenez soin de vous. Après une connexion, prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Soyez ouvert à l'inattendu. Les annales akashiques peuvent vous révéler des informations surprenantes. Soyez prêt à accueillir ces révélations avec un esprit ouvert. Foire aux questions. Est-ce que la connexion aux annales akashiques est dangereuse? Non, la connexion aux annales akashiques n'est pas dangereuse en soi. Cependant, il est important de se préparer correctement et de se protéger énergétiquement. Si vous vous sentez mal à l'aise, arrêtez immédiatement. Combien de temps faut-il pour voir des résultats? Cela varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes ressentent des résultats immédiats, tandis que d'autres ont besoin de plusieurs séances pour établir une connexion significative. La patience et la persévérance sont essentielles. Puis-je accéder aux annales akashiques de quelqu'un d'autre sans son consentement? Non. Il est éthiquement et spirituellement incorrect d'accéder aux annales akashiques de quelqu'un d'autre sans son consentement explicite. Chaque âme a le droit à la confidentialité de ses informations. Partagez votre expérience. Avez-vous déjà essayé de vous connecter aux annales akashiques? Partagez votre expérience, vos questions ou vos commentaires ci-dessous. Et surtout, ne manquez pas notre prochain article dans lequel nous allons explorer le domaine des EMI ou expérience de mort imminente.